Ce mardi, à Assemblage requis, Simon Fitzbay vient nous présenter son palmarès des meilleurs impresarios dans sa chronique « Paul is dead ». Et comme à chaque mardi, Émilie Gauthier nous parle de plein air. Tout ça et bien plus à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées, mardi 15h.